toi qui m'aimais. Et nous vivions les deux ensemble, moi qui t'aimais. Par ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire le bruit. Et la mer efface sur les sables les pas des amants désunis. Французский выучил. Мадам Клико, это лавю.